Chapitre 10. Uterpin Dragon épouse Hygierne. Leurs enfants, mort d'Uther, épreuve du Perron à l'enclume, couronnement d'Artus. Robert de Boron a raconté en peu de mots le mariage d'Hygierne avec le roi et celui des deux filles, alors sans doute fort jeunes, du duc de Tintagel. La première, mariée au roi Lot d'Orcanie, les îles Orcades, eut 4 fils appelés à jouer un grand rôle dans la suite de l'histoire. Le premier fut Gauvin, le second Agravin, le troisième Guerre et le quatrième Gaëriette. La seconde fille du duc de Tintagel était bâtarde et par conséquent n'avait avec Artus aucun lien de parenté. Elle se nommait Morgaine. Cédant au conseil des amis de son père, le roi Uterpin Dragon lui fit apprendre les lettres en maison de religion. Et tant en apprit et si bien qu'elle saut des arts et saut à merveille d'un art que l'on appelle astronomie et moult en ouvra toujours et saut moult de physique. Et pour celle maîtrise de clergy fut-elle appelée Morgaine la fée. D'après la promesse du roi consacrée par un serment, Merlin devait avoir la disposition de l'enfant conçu dans le sein d'Hygierne. L'enfant lui fut en effet confié aussitôt sa naissance. La reine le vit à peine. On se hâta de l'envelopper de l'ange et on le remit aux mains de Merlin qui, sous les traits d'un vieillard, l'attendait aux portes du palais. Il le conduisit chez un preux et honnête chevalier nommé Antor, prévenu d'avance et qui avait décidé sa femme, nouvellement délivrée, à donner une nourrice étrangère à son propre fils pour réserver son lait au jeune enfant dont elle et son mari ignoraient la famille. Le premier soin d'Antor fut de baptiser l'enfant qu'on leur confiait et de lui donner, d'après l'avis de Merlin, le nom d'Artus. Quant au fils d'Antor, ce fut le fameux Queux, objet constant de l'indulgence et de l'affection d'Artus. Nous ne nous arrêterons pas sur les circonstances de la mort du Uterpin Dragon annoncée par Merlin. Le roi ne laissait pas d'enfant, car le jeune Artus, enlevé par Merlin, passait pour le fils du preux chevalier Antor. Les barons de la terre, dans leur embarras, allèrent consulter Merlin qui, pour toute réponse, les engagea à attendre la prochaine fête de Noël qu'un manuscrit appelle le genre des étreignes, pour demander à Dieu d'éclairer leur jugement sur le choix du successeur du Uterpin Dragon. Ils allèrent ensuite aux archevêques et évêques, lesquels se mirent en oraison et firent prier dans toutes les églises pour obtenir de Dieu les lumières dont tous avaient besoin. Il fut convenu qu'on se réunirait à l'ogre le jour de la naissance du Sauveur, et dès la semaine qui précéda, arrivèrent dans cette ville tous les barons de la terre et tous ceux qui tenaient quelque chose de la couronne. Antor y vint avec ses 2 enfants. L'aîné, que, avait été à la dernière Toussaint armé chevalier. La veille de la fête, si comme est droit, furent à la messe de minuit, et quand ils l'eurent ouï, s'y s'en allèrent. Et tel iode qui remèrent ou mostier, et ainsi attendirent la messe du jour. Cette messe fut célébrée par l'archevêque Dubricius, personnage discret et pieux, qui leur fit une exhortation pour leur donner confiance dans le secours du Saint-Esprit. Et quand ils eurent la messe chantée jusque à l'Évangile, et ils l'eurent offert, s'y s'enissirent tel y hôte, et devant le moustier s'y avoit une grande place voile. Leur vire devant la maître porte de l'église, en mit la place un perron tout carré, et ne sort onque qu'au noistre de quelle pierre il est toit, si dire qu'il est toit de marbre, et sur cette perron en milieu avoit une enclume de fer de 2 pieds haut, et parmi celle enclume avoit une épée férue jusque au perron. L'archevêque, averti de la merveille, sortit de l'église avec de l'eau bénite et les principaux sanctuaires. En se baissant, il lut sur l'acier de l'épée les mots suivants en lettres d'or. S'il qui ôtera celle épée sera roi de la terre par l'élection Jésus-Christ. C'était là le signe qu'ils attendaient du ciel. Il ne s'agissait plus que de tenter l'épreuve et de reconnaître celui que Jésus-Christ destinait au siège royal. On convint d'établir pour gardien du perron 10 prud'hommes, dont 5 seraient clercs et 5 laïcs. Puis on entra dans l'église pour entendre une nouvelle messe et pour chanter Te Deum Laudamus. l'archevêque leur dit dans un beau sermon que nul d'entre eux ne devait espérer la couronne en raison de sa puissance, de sa richesse ou de sa haute origine, mais qu'ils devaient tous être, dès ce moment, décidés à reconnaître pour roi celui qui accomplirait l'épreuve de l'épée. Ils en tombèrent d'accord. Seulement tous voulaient en même temps les premiers tenter cette épreuve. L'archevêque parvint à leur faire entendre raison en les avertissant que le premier essai pourrait bien ne pas être le plus heureux. Il leur dit encore que l'épée était le signe de la puissance souveraine et que la chevalerie avait été chargée de la tenir pour rendre justice à tous et protéger la Sainte Église. Notre sire, quand il commanda justice terrienne, s'il la mit en glaive d'épée, et la justice qui sort les gens l'est, doit être, si est par l'épée. Et l'épée fut baillée au commandement des trois ordres à chevalier pour défendre Sainte Église et droite justice à tenir. L'archevêque choisit ensuite 250 chevaliers, de ceux qu'on estimait les plus prud'hommes et les plus considérables, pour tenter l'épreuve l'un après l'autre. Ils portèrent la main sur la poignée de l'épée, mais nul d'eux n'eut le pouvoir de l'ébranler. Alors le perron fut laissé en garde aux 10 prud'hommes, et chacun put s'approcher et tenter également l'épreuve. Il n'y eut personne, pour ainsi dire, qui, ce jour-là et les jours suivants, ne se présenta devant le perron et ne fit d'inutiles efforts pour lever l'épée. Au jour de la circoncision, nouveau sermon de l'archevêque, nouvelles tentatives infructueuses, nouvelle promesse des barons d'accepter pour roi celui qui séparerait l'épée de l'enclume et serait ainsi désigné par notre Seigneur lui-même. Ainsi fut la messe chantée, et allèrent li baron et tuilly autre chacun mangier à son hôtel. Et après mangier, si comme l'en souloit faire en ce temps, allèrent li chevaliers béordés hors de la ville en un champ, et s'y alla li plus de la ville. Et li dit prodome qui gardoit l'épée, y allèrent aussi pour la béourvoir. Et quand les chevaliers hors béourdés une grande pièce, s'y baillèrent leur écu à leur valet qui tant béordèrent que entre elles leva une mêlée moult grand, si que toutes les gens de la ville y accoururent, et armés et désarmés. Antor avoit fait chevalier de son fils Queux à la Toussaint. Quand la messe fut commencée, Queux appela son frère et lui dit « Va moi quaire m'épée à notre hôtel. » S'il fut mou preux et moult serviable, s'y répondit. Sire, moult volontiers. L'or fier des éperons et alla à l'autel, si quiert l'épée son frère, ou une autre, mais il n'en peut nul l'avoir, que la dame de l'autel les avoit reportés en sa chambre, et elle étoit aller voir le béordès et la mêlée avec les autres gens. Et quand s'il vit qu'il n'en peut roi nul avoir, s'y pleura, et fut moult d'estroit et angoissé. Et l'or s'en revint par devant le mostier, en la place où l'hyperon étoit, et vit l'épée où il n'avoit honte qu'essayer. L'or se pensa que s'il pourvoit, il la porte roi à son frère. S'y vint par écouille à cheval, s'il la prend par le poing, et s'il emporte et la couve d'où pend de sa côte. Et ses frères qui l'attendoient hors de la mêlée le vit venir, s'y alla à l'encontre et lui demanda l'épée. S'il répondit qu'il ne la pourroit avoir, mais il en apportoit une autre. S'il la traite-t-il de saut le pan de sa côte, et que se lui demande où il l'a prise, et s'il dit que ce est l'épée du perron. Que se la prend, s'il la met sous le pan de la sous-côte, et quiert son père tant qu'il le trouve, s'il lui dit « Sire, je serai roi, vais-y l'épée du perron ». L'hypère s'émerveilla moult et demanda comment il la voit-tu. Et il dit qu'il la voit prise, elle paieront même. Antor ne le crut pas. Ainsi l'y dit qu'il mentoit. L'or s'en allèrent entre eux deux vers l'église, et l'y valait Artus après. L'or dit Antor, « Queus, biofis, ne me mentez mille. Dites-moi comment vous avez celle épée eue, car se vos me mentiriez, je le saurois bien, et je ne vous amerois jamais. » Et Queus répond comme s'il qui ôte grand honte, « Sire, certes, je ne vous mentirai jamais. Artus, me frère, la m'apporta quand je l'y demandais la moi. Ce ne sais-je comment il l'ôte. » Antor répond, « Baillez-la moi, biodou fils, que vous n'y avez nul droit. » Et quand il la tient, s'y garde derrière soi et vit Artus qui l'essuivoit. L'or l'appela, « Biofis, ça venez, et me dites comment vous avez cette épée. » Artus l'y compte et l'hyprodon l'y dit, « Tenez l'épée, si la remettez là où vous la prîtes. » S'il la prend, et la renclume, et elle se tint aussi bien comme elle avait onque fait. Et Antor commanda à que son fils qu'il essaya. S'il y essaya, s'il ne peut. Lors s'en alla Antor au mostier, et les appela en bédeuse, et dit à que son fils, « Je savois bien que vous n'aviez pas l'épée ôtée. » Antor prit alors le jeune Artus entre ses bras. « Écoutez-moi, beau sire, lui dit-il, si je venais à vous faire élire au roi, quel avantage m'en reviendrait-il ? Tous les avantages que je pourrais avoir moi-même sont les vôtres, cher père. « Sire, répond Antor, je ne suis que votre père de nourriture, et je ne sais pas qui vous engendra. » Artus se mit alors à pleurer. « Que deviendrai-je si je n'ai pas de père ? Vous en avez un, certainement, reprit Antor, seulement il n'a pas voulu se faire connaître. Vous m'avez été remis le jour même de votre naissance. Ma femme vous a préféré à son propre fils pour vous donner son lait, et si je vous rappelle cela, ce n'est pas afin de réclamer une part dans le royaume dont vous pourrez être roi, mais pour vous recommander d'avoir toujours pour mon fils une vraie tendresse. Je ne vous demanderai ni votre terre, mais tant vous requiez que ce vous êtes roi, vous fassiez de que votre frère le sénéchal de votre terre, en telle manière que vous, pour forfait que il fasse ne à vous, né à homme, né à femme de votre terre, ne puisse perdre sa sénéchalcie. Et ce, il est fol et vilain et fel, vous le devez bien souffrir, que ces mauvaises têches a-il eu par vous et prise en la garce qu'il allaita, et pour vous nourrir est-il dénaturé ? Et Artus répond, je l'y douin moult volontiers, l'or le menèrent à l'autel, si l'or jura bien et foi à tenir. On voit que ce caractère de queue ne pouvait être mieux introduit. Il va maintenant avoir sa place dans la plupart des épisodes. Si les querelleurs, venteurs, médisants, présomptueux, Artus doit le lui pardonner, car il a juré de ne jamais le traiter avec rigueur. Il est son frère, non de lait, mais de maison. S'il a de mauvaises inclinations, c'est pour avoir été séparé du sein maternel, et Artus a profité de la bonne et saine nourriture morale qui revenait naturellement à queue. Remarquons encore que Geoffroy de Monmouth parle une fois de queue pour lui attribuer le royaume ou le duché d'Anjou. Or, les comtes d'Anjou étaient au XIIe siècle en possession de la charge héréditaire de grands sénéchaux de la couronne. Leur droit à cette charge, parfaitement établi depuis la fin du Xe siècle, leur semblait-il remonter jusqu'à messire queue ? Je croirais plutôt que ce fut pour donner à cette grande charge une origine reculée que Monmouth aura fait investir queue, le sénéchal d'Artus de la comté d'Anjou. Cependant, Antor conduisit Artus à l'archevêque et lui demanda pour le jeune écuyer la permission d'essayer l'épreuve de l'enclume en présence des barons, des clercs et du peuple. Artus leva facilement l'épée et la présenta au prélat, qui le prit entre ses bras et entonna un second Te Deum Laudamus. Le peuple reconnut au même moment le choix de Dieu, mais il n'en fut pas de même des barons, qui ne pouvaient se résigner à mettre la couronne de l'ogre sur la tête d'un enfant de naissance obscure. L'archevêque avertit alors Artus de replacer l'épée sur l'enclume, et l'enclume se rapprochant aussitôt de la lame, le prélat invita les barons à faire tour à tour un nouvel essai. Ils ne parvinrent pas mieux à ébranler l'épée, et s'inclinèrent en demandant seulement que l'épreuve fût recommencée à la prochaine chandeleur, car il n'osait moult étrange qu'un garçon soit sire de nous. L'archevêque y consentit. Les essais se renouvelèrent donc à la chandeleur et donnèrent le même résultat. Artus seul leva l'épée qu'il remit aux mains de l'archevêque. Les barons insistèrent encore. Ils reconnaîtront dans Artus l'élu du Seigneur si d'ici aux Pâques prochaines, personne ne vient à bout de l'épreuve aussi bien que lui. Les Pâques arrivent, et quand Artus a de nouveau l'épée levée, les barons, prenant à part l'archevêque, lui déclarent qu'ils se soumettent à la volonté de Dieu et consentent à élire Artus, mais à la condition que le sacre soit renvoyé à la prochaine Pentecôte. Artus jouirait, en attendant, de tout l'exercice de l'autorité royale, et s'il venait, dans l'intervalle, à reconnaître que le nouvel élu ne possède pas les qualités nécessaires à un roi, il pourrait déclarer nulle une élection que le sacre n'aurait pas sanctionnée. Ce passage est curieux. Leur dire « Sire, nous veillons bien et savons que notre sire vole que vous soyez sire de nos, et dès qu'il le veut, nous le voulons bien. Si vous tenons et tendrons fort seigneur, et voulons prendre nos fiers et nos héritages et nos honneurs de vos, mais nous vous prions comme seigneur que votre sacre reste pitié jusque à la Pentecôte. Ne j'apporte ce ne serait moins sire d'où règne de nous, et voulons que vous nous en répondiez votre volonté sans conseil. Et Artus répond, de ce que vous me dites, que je prenne vos hommages et que je vous rende vos honneurs et que vous les teigniez de moi, ce ne puis-je faire ne dois. Je ne puis vos honneurs ne les autres bailler tant que je hais la moi. Et de ce que vous dites que soit sire d'où règne, ce ne peut être d'avant que j'aie le sacre et la couronne et l'honneur de la couronne. Mais je respite ce que vous me demandez d'endroit le sacre, et le voudrais-je mou volontiers, car je ne vois l'avoir sacre, né honore, si je ne le puis avoir de par Dieu et de par vous. Il fut donc convenu, à la satisfaction générale, que l'élection et le sacre se feraient à la prochaine Pentecôte, et en attendant, pour essayer les dispositions du futur roi, on lui mit entre les mains de grandes richesses, des armes et des joyaux de toute espèce. Il n'en garda rien pour lui, mais, après s'être enquis des mœurs et des façons de vivre de chacun, il distribua aux bons chevaliers les chevaux, et aux jolis et aux envoisiers qui étoient moraux donnoient ses joyaux, et aux avares donnoient deniers et or et argent, et aux prodomes sèges et larges, et bons vivandiers tenoient compagnie, et faisant enquère de l'un par l'autre quelle chose l'y plaisoit mieux. Et la Pentecôte arrivant, l'archevêque appareilla la couronne et le sacre, et la veille de la fête, devant Vêpres, par le commun consoil et par l'accord d'où plus des barons, fit l'archevêque Artus chevalier, et celle nuit veilla Artus à la maître église jusqu'au jour. Lors parla l'archevêque et dit, « Vé ici un homme que notre sire a éli, et vé ici les vêtements royaux et la couronne, si voile par vos bouches même oïr, s'il y a nul homme de vous qui prodome soit qui contre cette élection veuille être, s'il le dit. Et ils répondent ensemble tout en haut, nous l'accordons et le voulons, et qu'il soit en te manière, que ce il y a voix nue de nos vers, puis il eut mauvaise volonté, pour ce qu'il eût été contre le sacre et contre l'élection, qu'il leur pardonne. Et lors s'agenouille tous ensemble, et Artus pleure de pitié, si se ragenouille vers elle, et leur dit au plus haut qu'il peut, « Je vous le pardonne bien, et loyalement. » Lors se levèrent tout communément, et l'iotome prirent Artus entre leurs bras, et l'amenèrent là où l'ivêtement royal et toi. S'il est l'ivête, et quand il fut vêtu, l'archevêque, appareillé pour la messe, chantait, dit à Artus, « À l'équerre l'épée et la justice, dont vous devez défendre Sainte Église et la chrétienté sauvée. » Lors alla la procession au perron, et là demanda l'archevêque à Artus ce il est tel qu'il osa jurer et créanter Dieu et Madame Sainte Marie, et à tout saint et à toute sainte, Sainte Église à sauver et à maintenir, et à tout pauvre homme et toute pauvre femme, paix et loyauté tenir, et conseiller tout déconseiller, et avoir tout dévoyé, et maintenir toute droiture et droite justice à tenir, si alla avant et prit l'épée dont notre sire avoit fait de lui élection. Et Artus pleura et dit, « Ainsi voirement, comme Dieu est sire de toutes les choses, me doit-il force et pouvoir de se maintenir que vous avez dit ?» Il fut à genoux et prit l'épée à jointe main et la leva de l'enclume, aussi voirement, comme si elles ne tenissent à rien. Et lors l'épée toute droite l'emmenèrent à l'autel et la mit sus. Et lors ils le prirent et sacrèrent et l'énoindrent et lui firent toutes celles choses que l'on doit faire à roi. Et quand ils issirent hors du moustier, si ne sort que l'hyperon fut devenu. Ainsi fut Artus éli et fait roi du royaume de l'ogre, éteint la terre et le règne longtemps en paix. Ici nous prenons un dernier congé de Robert de Boron pour aborder les continuateurs de son œuvre.